La Bolivie est en passe de devenir le premier producteur de cocaïne au monde. Il faut dire que c'est le seul pays où on autorise la culture de la coca, depuis une décision du président actuel Evo Morales. C'est une plante traditionnelle que les Indiens mastiquent comme couffin, mais dans les faits, l'essentiel de la production est détourné par des organisations criminelles. Le jour se lève, et aujourd'hui je vais faire l'impasse. Je vais arrêter de jouer ce jeu, sinon ça laissera des traces. Je m'en remettrai pas, que ma routine disparaisse. Même si quand elle s'installe, on dit pas pareil. Je suis pas préparé à jouer des tours, à me faire du mal. Même si mes vices sont présents, ben ils feront foirer tes balles. J'essaie de faire au mieux depuis le temps, c'est vrai que j'écris pour deux. J'ai même arrêté le sport, mais l'effort je le fais pour ceux qui polémiquent pas, qui franchissent des pentes. Je vis ma vie pendant que certains vivent dans leurs propres rêves. Y'aura plus de trêve, je garderai plus le silence. Je rapperai pour le sens, comme un constat pour l'accident. En disant ça, c'est vrai que là, j'annonce la couleur. Mais là, j'ai pas le temps, faut que je mette les pendules à l'heure. Et donc sur ce, je vous laisse à vos occupations. J'ai les miennes qui traînent, j'y vais avant qu'elles perdent patience. Gaffe au fils, il est là pour nous faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. Au champ, j'y gagnerai pas, pour ça j'y reste posé. Faut pas se voiler la face, le vice a trop de choses à proposer. Gaffe au fils, il est là pour nous faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. Pour ça je reste posé, ouais. Pour ça je reste posé. Comme une dépendance, ça te prend les tripes, ça te bouffe le corps. Et ça te fait bizarre quand t'atterris, quand tu changes de bord. L'amour pur est une drogue dure, Cupidon est une ordure. Pendant ce temps, l'alcool affine les corps et donc les formes. Sans là, sans le fond, c'est comme imagine ma voix sans le son. La prod sans le sample, des veines sans le sang. Comme un cœur en stand-by, imagine la faire capoter, te farcir que des sales bails. Gaffe au vice, il est là pour me faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. J'en vois pas tout, j'en garde encore sous le coude. Y'a trop de chiens ici, je me jetterai pas dans la gueule du loup. J'ai rendez-vous avec mes vices, parfois ça m'enchante. Ça donne goût à la vie, donc y'a pas de raison que ça change. Au change, j'y gagnerai pas, pour ça j'y reste posé. Faut pas se voler la face, le vice a trop de choses à proposer. Gaffe au vice, il est là pour nous faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. Au champ, j'y gagnerai pas, pour ça j'y reste posé. Faut pas se voiler la face, le vice a trop de choses à proposer. Gaffe au vice, il est là pour nous faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. Pour ça j'y reste posé, ouais. Pour ça je reste en parlant posé. De ça, c'est vrai que les trois restent présents. J'ai du mal à m'en passer la plupart du temps. Je dépense mon énergie pour ces trois vices, je suis sur un chemin qui glisse tout au bord d'un précipice. Et puis merde, l'addiction est éphémère. Si j'avais dû parier sur ça, j'aurais encore les deux pieds dans la merde. Et me dire qu'au fond de moi, je les emmerde. Pour garder les pieds sur terre, j'aurais pu séparer la mer en deux. Allons, arrêtons les fantaisies. Ici y'a pas de faux principes. Moi le rap, mais quand je vif, le monde est vif. Et il se lève toujours avant moi, donc à l'avenir je commence à me dire qu'au fond j'ai pas le choix. Bref, c'est juste pour dire que la tentation est présente et qu'il est temps d'aller gravir les pentes et de se répandre comme une traînée de poudre tout droit dans ton zen. Mes vices, je les choisis, donc j'en ai fait aussi mon thème. Gaffe au vice, il est là pour nous faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. Au champ, j'y gagnerai pas, pour ça j'y reste posé. Faut pas se voler la face, le vice a trop de choses à proposer. Gaffe au vice, il est là pour nous faire vriller. Laisse pas traîner ton spliff dans le coin, il va se faire griller. Pour ça j'y reste posé, ouais. Pour ça j'y reste posé. Ça il fait des dégâts parce que ça perturbe le fonctionnement normal des cellules, et en particulier les dégâts sont d'autant plus importants que c'est la période de construction des connexions dans le cerveau. Là, avec de la cocaïne, il y a des zones qui normalement ne devraient pas fonctionner, qui vont fonctionner à plein, et d'autres zones qui auraient dû se développer, qui vont rester en sommeil. En plus, ce que ça peut donner, c'est des crises convulsives, voire de ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux.